إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc aujourd'hui on commence la partie 4 dans l'explication du livre de Cheikh Bazmoul, Tadabbur al-Qur'an wa atharuhu fi tazkiyat an-nufus. Donc la réflexion ou la méditation sur le Coran et son effet sur la purification de l'âme. Et on a mentionné au dernier cours différentes choses qui font qu'on peut se purifier et comment on peut purifier notre âme. On a mentionné que selon Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, la façon de purifier l'âme, c'est de commencer par le fait de purifier la aqida, purifier la aqida. Qu'il faut avoir un tawhid pur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on a expliqué que la purification de l'âme se fait par la suite en abandonnant les interdictions, les choses haram, et en abandonnant les innovations, les bid'ah, et en établissant les actes obligatoires et en établissant la sunnah. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Et parmi ces éléments-là, il y a aussi le troisième qui est le fait de se purifier en faisant des actes surérogatoires par la suite, an-nawafil. Et on a expliqué donc tout ça, et en même temps donc le fait de réfléchir sur le Coran et de méditer sur le Coran, ça fait partie des actes, et des actes, ça fait partie des actes d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et des actes d'adoration. Puisque dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de réfléchir sur le Coran, de méditer sur le Coran. Et donc ça fait partie des actes d'obéissance, hein, et des actes que Allah subhanahu wa ta'ala aime, des actes d'adoration. Donc il faut comprendre que un des moyens de purifier son âme, bien entendu, c'est la récitation du Coran et la méditation sur le sens des versets du Coran, pour être capable de yani comprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, qu'est-ce qu'il veut de nous et comment l'adorer, comment se rapprocher de lui, et ainsi de suite. Il y a malheureusement des gens qui ont dévié dans la Ummah, parmi différents groupes et différentes sectes, en particulier la secte des soufis, qui se sont égarés dans la voie de la purification et dans la voie de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui sont tombés dans plusieurs formes de bid'ah et plusieurs formes de shirk, et qui ont innové dans les méthodologies de purification, qui se sont éloignés des enseignements et de la méthodologie du Coran et de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que de la voie des salaf al-salih. Et donc il faut comprendre que ces gens-là ont inventé des voies et des façons de se purifier qui sont en opposition avec ce que l'islam enseigne. Des voies et des méthodes de purification qui sont empruntées des différentes religions et différentes voies qui sont sur le shirk et l'égarement. Et donc il faut comprendre donc que une fois que l'islam s'est répandu dans le monde, après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les sahaba sont partis dans le monde entier pour propager l'islam et enseigner l'islam. Et dans différentes régions, l'islam s'est installé, mais des gens avaient parfois des religions préalables à l'islam, et certaines d'entre ces personnes donc ont essayé d'incorporer des principes de leur religion précédente avec l'islam et de les incorporer ou de les mélanger ensemble. Et c'est ce qui a fait qu'on a vu apparaître des pratiques étranges, des pratiques contraires à la sunna, des choses que des gens font au nom de l'islam mais qui n'ont rien à voir avec, en réalité, avec les enseignements de l'islam. Et donc on va voir quelques exemples de ça aujourd'hui dans les pratiques et les croyances de certains d'entre les soufis, ceux qu'on appelle as-soufiyoun, ahl al-tasawwuf. Et à la base, as-soufiyya ou al-tasawwuf, ça vient du terme souf, qui veut dire la laine. Et en réalité, ça n'a aucun rapport avec l'islam, le nom en lui-même, sauf que les premiers d'entre eux étaient des gens qui aimaient le fait de s'écarter des biens matériels et de la dunya, et donc mais d'une façon exagérée. C'est-à-dire que l'islam nous enseigne de profiter de la dunya, donc qu'est-ce qui est bénéfique pour nous, mais de ne pas tomber dans l'extrême ou dans l'exagération de la dunya au point où on oublie l'au-delà. Mais ces gens-là, eux, sont allés un peu plus loin, dans le sens qu'ils se sont laissés tromper par le shaitan dans ces questions-là, et ils sont allés jusqu'à délaisser la dunya d'une manière un peu extrémiste, au point de dire que bon, il faut devenir un peu comme les moines dans les différentes religions, comme chez les chrétiens. Et donc ils ont commencé à admirer le modèle des moines qui habitent dans les monastères et qui se consacrent uniquement à la prière et l'adoration. Donc ils ont vu que leurs vêtements étaient des vêtements de laine, et ils ont été attirés par ce genre de vêtements, et donc c'est pour cette raison là que ils ont adopté les vêtements de laine au début, et c'est pour ça qu'on les a appelés as-soufiyya, parce que ce sont des gens qui aimaient la laine et que c'était un vêtement qui était un vêtement de modeste, ou des choses de ce genre. Donc ils ont délaissé tous les autres matériaux pour la laine. Et ça, c'était au début, bien entendu. Par la suite, ils ont commencé à porter d'autres sortes de tissus aussi, mais c'est pour dire qu'ils s'attachaient à ce genre d'apparence. Le monachisme et des choses de ce genre, le fait de vivre dans des endroits clos, de se refermer à la dunya, de se concentrer qu'à l'adoration, des choses de ce genre. Donc c'est ça qui est arrivé. Et d'autres ont essayé de donner d'autres origines ou d'autres sources à cette appellation. Certains ont essayé de se donner une origine plus noble, pour essayer de donner un sens plus profond à la signification du mot soufi. Et donc ils ont ramené d'autres définitions, et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il les mentionne dans son livre Majmu' al-Fatawa, dans un de ses livres. Il dit que certains d'entre les soufis, ils ont expliqué que le terme soufi vient du terme as-safa, ce qui veut dire la pureté. Et il dit que ça, c'est pas possible linguistiquement, puisque si c'était un mot qui venait de as-safa, on dirait pas soufi, mais on dirait as-safa'i. Et il y en a d'autres qui ont dit que ça vient du terme safwa. As-safwa, qui veut dire la crème. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans quelque chose? Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, si c'était quelque chose qui venait de as-safwa, on aurait dit safawi. Et on n'aurait pas dit soufi. Ou soufi. Et d'autres ont dit que ça vient de as-saf. As-saf al-awwal. Le premier rang. En voulant dire ceux qui sont toujours au premier rang dans la prière et tout. Et Cheikh al-Islam, il a dit non, même linguistiquement, ça marche pas, puisque si ça venait de as-saf, on n'aurait pas dit soufi, on aurait dit safi. Et ils ont dit que ça vient aussi de ce qu'on appelait ahl al-suffa. C'est-à-dire qu'à Médine, quand les gens venaient de la Mecque, ils arrivaient à Médine, certains ils avaient un endroit pour habiter, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il avait fait At-ta'akhi, hein, la fraternisation entre les gens de la Mecque et de Médine. Donc il y en a qui avaient des endroits pour habiter au début. Par la suite, Yanni, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que ceux qui arrivaient par la suite, qui n'avaient pas d'endroit pour habiter, ils restaient dans la mosquée. Ils avaient un coin dans la mosquée où ils dormaient, où ils vivaient, jusqu'à ce qu'ils soient capables de, Yanni, prendre leur indépendance et avoir leur propre habitation et de pouvoir faire leur commerce et les choses qu'ils avaient besoin pour subvenir à leurs besoins par la suite. Sauf qu'au début, au tout début, donc, ils habitaient à la mosquée. Et ce n'était pas un groupe spécifique qui restait toujours présent dans Soufa, mais plutôt c'était un groupe qui changeait, dans le sens qu'il y en a qui arrivaient, d'autres qui partaient. Ça restait jamais le même nombre de personnes, ou bien les mêmes personnes du début jusqu'à la fin. Bon, il y en avait qui restaient au début, puis ils restaient quelque temps, après ils partaient et ils s'organisaient, puis ils sortaient. D'autres, des nouveaux arrivaient, puis ils restaient jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose. Donc, c'était pas un groupe de personnes fixes qui restaient toujours les mêmes, non. Contrairement à ce que certains, par exemple, s'imaginent. Donc, Ahl al-Sufa, c'était pas des gens qui ont choisi de vivre dans la mosquée par pauvreté ou parce qu'ils n'avaient pas d'autres moyens, non. C'est des gens qui étaient là temporairement, puis qui s'en allaient au fur et à mesure qu'ils étaient capables de s'organiser. Et ils essaient d'utiliser ça comme exemple, bien sûr, parce que ça voudrait dire comme c'est des gens pieux qui restaient à la mosquée ou des choses de ce genre. Et encore là, linguistiquement, ça marche pas, parce que si c'était Ahl al-Sufa, on dirait encore là Soufi ou Soufai ou quelque chose comme ça. En tout cas, Cheikh al-Islam, il les a tous mentionnés. Et après, à la fin, il a dit que la vraie signification ou la vraie origine du terme vient de As-Souf, la laine, et non pas d'autre chose. Et certains ont ramené d'autres définitions ou d'autres origines à cette définition-là. Par exemple, ils disent que ça vient du terme Sophia. Sophia, qui vient du grec, qui veut dire la sagesse. De là vient le terme philosophie, philosophia, qui veut dire d'aimer la sagesse. Et du fait que certains parmi les soufis, par la suite, se sont inspirés beaucoup de la philosophie grecque ou autre pour interpréter la religion. Et Yanni, d'après ce que j'ai lu à ce sujet-là, Yanni, ce serait par exemple des gens qui sont venus plus tard qui auraient utilisé cette explication-là, parce que les premiers soufis n'avaient pas un contact direct avec la philosophie. C'est la philosophie grecque, c'est par la suite que ça a été introduit dans le soufisme, avec l'ésotérisme et toutes sortes d'autres choses comme ça. Donc, de façon générale, c'est ça. Mais en ce qui concerne la définition de qu'est-ce que c'est le soufisme, il y a autant de définitions que de soufis, en fait, parce que chacun il fait sa propre définition de qu'est-ce que c'est le soufisme. Et quand vous regardez justement dans les définitions qui sont mentionnées dans les livres des soufis, certains chercheurs, ils ont regardé et ils ont trouvé plus que peut-être 2000 différentes définitions de qu'est-ce que c'est le soufisme. Donc c'est quelque chose en fait qui est fait d'une manière à ce que ce soit difficile à connaître ou difficile à découvrir ou à cerner, dans le but justement de pouvoir donner à ceux qui entrent dans cette voie-là beaucoup de liberté dans les choses qu'ils veulent adopter, les choses qu'ils veulent croire, en lesquelles ils veulent croire ou des choses de ce genre, et leur donner une certaine, comme on dit, flexibilité de rentrer dans même des idées, des idéologies qui sont hérétiques et contraires à l'islam. Parmi les définitions que je me souviens avoir entendues, parmi les définitions que les soufis donnent eux-mêmes, c'est que le soufisme, c'est de se noyer dans l'amour éternel d'Allah. Il y a des choses comme des définitions de ce genre. Donc ça, c'est vraiment, il y a une vague et ça n'a pas vraiment de sens. Il y a une, en tout cas, il y a beaucoup de choses dans le soufisme qui est difficile à comprendre, parce que justement ils n'utilisent pas un langage qui est clair et explicite. Ils préfèrent parfois l'ambiguïté justement pour se permettre de jouer avec le sens de ce qu'ils disent pour déformer les paroles qu'il mentionne, justement lorsqu'ils sont accusés d'hérésie ou de propos qui sont des propos de kofr. Ils peuvent essayer justement de se faufiler puis de déformer le sens pour dire non, on ne voulait pas dire ça, on voulait dire telle affaire, et ainsi de suite. Donc de façon générale, c'est, il y en a des gens qui essaient de trouver un raccourci pour se rendre à Allah subhanahu wa ta'ala, en passant par autre que le Coran et la Sunna et la voie des salaf al-salih. Et c'est ça c'est la réalité. Toutefois, à l'extérieur, il se donne toujours une image de personnes qui prétendent être en accord avec la charia de l'islam. Et parfois même, ils vont diviser l'islam en deux. Ils vont dire, il y a la charia et il y a al-haqiqa. Et ils prétendent que la haqiqa, c'est la réalité. Et que celui qui a connu la haqiqa, il n'a plus besoin de la charia par la suite. Ou des explications comme ça. Il y a d'autres explications aussi. De toute façon, qu'est-ce qu'on peut dire de façon générale, c'est que si ce qui est dans le soufisme ne faisait pas partie, ou bien plutôt si ce qui est dans le soufisme faisait partie entièrement du Coran, de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, on n'aurait pas besoin de l'appeler soufisme. On aurait pu l'appeler seulement islam, et ce serait suffisant. Ou bien des termes qui sont shari, des termes qui sont dans la sharia, comme le terme ihsan, ou des termes semblables. Et c'est ce qu'ils essaient parfois de faire, de dire le soufisme c'est al-ihsan, le plus haut degré de la religion, le plus haut degré de la foi, le fait que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu n'arrives pas à le voir, et c'est comme donc lui il te voit, et ainsi de suite, d'être conscient que Allah te voit en tout moment, en tout instant. Voilà quelques explications. Sinon, eux, ils prétendent qu'il y a des façons de se purifier, et ils disent, par exemple, manhaj at-taskiyah 'inda at-tasawwuf ou 'inda as-sufiyya, il dit la shak anna as-sufiyya min ajhal al-firaq al-islamiyya bi athar an-nubuwwah wa aktharuha tarwijan lil ahadith ad-da'ifah wal-mawdu'ah wa dhalika wadihun jaliyyun fi musannafatihim fa innaha mali'atun bil akhbar al-mawdu'ah. Donc il dit, c'est clair, il n'y a pas de doute que les soufis sont parmi les sectes les plus ignorantes de l'islam au sujet des narrations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une des sectes qui fait partie de ceux qui propagent le plus les hadiths qui sont faibles et les hadiths qui sont fabriqués. Et ça, c'est quelque chose qui est apparent et clair lorsque tu consultes les écrits et les livres de ces gens-là, qui sont remplis de récits et d'histoires fabriquées qui n'ont aucune source dans la législation islamique. Donc souvent c'est des histoires, des choses que les gens rapportent. Il n'y a pas de chaîne de transmission, il n'y a pas de chaîne de narrateur, juste qu'est-ce que quelqu'un a raconté. Puis il attribue ça parfois même au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'est même pas des hadiths. Il dit, وَأَضِفُ إِلَى ذَلِكَ أَضِفُ إِلَى ذَلِكَ كَثْرَةُ الْحِكَيَاتِ وَالْمَنَامَاتِ وَالْخُرَفَاتِ يُعَوِّضُونَ بِهَا فَقْرَهُمْ بِالْآثَارِ النَّبَوِيَّ وَالسُّنَنِ الْمُصْطَفَوِيَّ وَيَظْهَرُ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي مَنَاهِجِ التَّزْكِيَةِ عِنْدَهُمْ. Donc le cheikh il dit que tu peux rajouter également à ça le nombre d'histoires qu'il raconte, des histoires qui sont basées sur des rêves, qui sont basées sur des superstitions, sur des récits qu'ils ont inventés eux-mêmes, fictifs. Et donc il se base là-dessus, beaucoup sur les rêves. Tu vois souvent les soufis, c'est comme ça qu'ils parlent. Ah, j'ai vu dans un rêve telle chose. J'ai vu dans un rêve telle chose. Ou bien notre cheikh, il a vu tel rêve. Ou il a vu telle chose dans un rêve. C'est basé là-dessus. Ou bien sur des visions qu'ils prétendent avoir vues. Des choses comme ça. Donc. Et ça, tu retrouves aussi beaucoup chez les tablirs. tu retrouves beaucoup chez les tablighs qui racontent des histoires à dormir debout, hein, à journée longue. Et la raison de ça, c'est parce que justement leur méthodologie est inspirée de la méthodologie soufie. Parce que leur cheikh fondateur était un soufi. Et tu retrouves ça aussi chez les Ikhwan. Tu vois par exemple chez les Ikhwan, tout le temps ils racontent des histoires de rêves. Qu'est-ce qu'il a vu un tel, qu'est-ce qu'il a vu un tel. Et puis ils vont même mentir. L'autre jour, même j'entendais parmi les... Parce qu'il y a des gens parmi les soufis, étant donné qu'ils sont, friands de ce genre de récits ou de rêves, c'est rendu pour eux, ça fait partie de leur culture. Hein? Et donc, parmi les Ikhwan, il y en a qui eux-mêmes ne croient pas nécessairement en les rêves ou ce genre de choses-là. Mais qui, étant donné qu'ils savent que les gens sont friands de ça et qu'ils aiment ce genre de choses, ils vont utiliser ça pour les attirer, pour les amadouer. Bon, ils vont commencer à leur raconter toutes sortes de rêves. Hein? Et même quand vous avez vu, quand les Ikhwan en Égypte, dernièrement, ils ont pris le pouvoir, hein, leurs prêcheurs et les gens qui sont dans leur parti ont raconté plein d'histoires comme ça. Même Mursi, quand tu vois certains de ses discours, il dit « Ah, hier j'ai vu un rêve, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu me voir, il m'a dit « Ah oui, c'est toi qui t'es le meilleur, c'est toi qui vas faire ça » ou des choses comme ça. Yani, hein. Ou bien un autre parmi les Ikhwan, comme Mohammed Hassan, il raconte une histoire, il dit « J'étais là comme ça, puis... » Khalid ibn al-Walid, il est venu, il m'a vu, puis il a dit à mes élèves, suivez celui-là, il est bien. Et il y a des histoires comme ça, puis les gens, ils entendent ça, ils disent Allahu Akbar, Masha'Allah, ils sont comme si éblouis et surpris par ce genre de choses. Et des histoires comme ça, que je me rappelle, une histoire en particulier que j'avais entendue de la part de Jamaat Tablir, quand j'étais dans une mosquée, ils faisaient un bayan. Un de leurs, après la prière, il se lève puis il raconte des histoires comme ça. Et puis là, il racontait que le chef de tablir, il était quelque part dans un pays. Il est allé se baigner dans un lac ou dans une rivière. Puis il y a un crocodile qui est venu pour l'attaquer. Et lui, il s'est battu avec le crocodile. Finalement, il a dit au crocodile, écoute, si tu me manges, plus personne va pouvoir propager l'islam dans le monde. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de da'wa. Donc il faut que tu me laisses. Et là le crocodile, il l'a laissé, puis il est parti. Donc c'est des histoires comme ça qu'il raconte aux gens. Et Allah al-Musta'an. Il y en a une fois des histoires aussi. On était avec une jama'a, on était sorti khuruj fi sabilillah, je ne sais pas combien de jours. Et puis là, après, on était sur la route, on n'avait rien à manger. On s'est arrêté, on a fait un doua, et là il y a de la nourriture qui est tombée du ciel, ou je sais pas, des histoires comme ça, ils racontent aux gens. Et là parmi eux, il y en a qui sont plus zélés, alors ils disent Allahu Akbar, pour encourager les autres à croire en ces choses-là. C'est pas pour dire que des miracles c'est pas possible, oui, il peut y avoir des miracles, mais de baser ta religion sur ça, ça c'est pas correct. La religion elle est pas basée sur ça. Ok, les miracles, oui, les karamates, il peut y en avoir de la part des hommes pieux, mais de là à baser ta religion uniquement sur des récits comme ça et sur des histoires comme ça pour attirer les gens, ça c'est vraiment yani faible. Hein? Il dit وَيَظْهَرُ ذَلِكَ كَذَلِكَ فِي مَنَاهِجِ التَّزْكِيَةِ عِنْدَهُمْ وَحَيْثُ يَطْلُبُونَ زَكَاةَ نُفُوسِهِمْ بِالْإِنْشَادِ وَالْمُكَاءِ وَالتَّصْفِيَةِ وتكلف ما لم يشرعه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم من العبادات وهذه بعض وسائلهم في التزكية. Donc on peut voir les effets des manifestations de leur manque de science et le fait qu'ils se basent sur ce genre de récits et d'histoires et de rêves et des hadiths qui sont faibles ou fabriqués dans leur façon d'appeler à la purification de leur âme et comment ils appellent à se purifier soi-disant et dans leur méthodologie pour y arriver. Du fait que parfois ils vont commencer à, par exemple, à dire que pour se purifier il faut faire certains exercices spirituels qu'ils ont innovés ou que leur cheikh a inventé. Et parmi les exemples de ça, ils suivent certaines méthodologies. une des choses qu'ils font, c'est de frapper les mains, de se baser sur d'utiliser des instruments de musique pour faire du dhikr, de même que de faire des danses et aussi des chansons, la chanson. Donc ils pensent que ça c'est une des méthodes de purification. Et de toute façon, on va voir par la suite certaines méthodes aussi qu'ils utilisent pour arriver à leurs objectifs par rapport à la purification. On va voir c'est quoi leur but, qu'est-ce qu'ils essaient d'atteindre en faisant cette soi-disant purification. Est-ce que leur objectif c'est d'atteindre la même chose que ce que les musulmans d'Ahl Sunna essaient d'atteindre, ou bien ils ont un autre objectif différent? Donc on va voir comment il y a une grande différence entre leur objectif et notre objectif dans la purification aussi. Donc premièrement, as-sufiyya yuzakkuna anfusahum za'amu bil muka wa at-tasfiyah wa al-ghina wa at-tasfiq wa yatajawaduna 'inda dhalik hatta rawa ba'dhum kadhiban أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشده أعرابي شعرا فقال قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي سوى الحبيب الذي شغفت به فمنه دائي ومنه ترياقي وأن النبي صلى الله عليه وسلم تجاود حتى سقطت البردة عن منكبيه وقال ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر المحبوب. يعني دي قصص مكذوبة. يقول شيخ الإسلام هذا حديث كذب بإجماع العارفين بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وأحواله. Donc il dit que parmi les méthodes de purification chez les soufis, le fait de frapper des mains, le fait de siffler, ou bien le fait de faire des chants, il y a même des danses aussi qu'ils font. Et tout ça, ils prétendent que c'est des choses qui amènent à la purification de l'âme. Et même que certains parmi eux mentionnent des choses à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils mentent à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils inventent à son sujet qu'il y a un bédouin qui avait fait un poème et il a mentionné dans son poème le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme si que il y a rien qui peut le guérir excepté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ainsi de suite. Donc il mentionne des belles choses sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis il prétend que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu ça, il a eu une réaction comme s'il a bougé d'une façon qui a fait que son manteau est tombé de ses épaules. Et qu'il aurait dit que celui qui n'a pas ce genre de réaction, il ne rentre pas dans cet état d'excitation quand il entend ce genre de choses, c'est pas quelqu'un de noble. Bon. Cheikh al-Islam, il mentionne cette parole, puis il dit après que ça c'est un mensonge selon le consensus des savants qui connaissent la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui connaissent sa sunna et qui connaissent ses états. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dansé ou fait des choses de ce genre. Et il dit ensuite wa qala kadhalika wa bil jumlati faqad arifa bil ittirar من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لصالح أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع ضرب بالكف أو ضرب بالقضيب أو الدف، كما لم يبح لأحد أن يخرج عن متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة لا في باطن الأمر ولا في ظاهره، لا ولا لعامي ولا لخاص، ولكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس والأفراح والأفراح وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بالدف أو يسفق بكف بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال التصفيق للنساء والتسبيح للرجال ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ولما كان الغنى والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثا ويسمون الرجال المغنيين مخانيثا وهذا مشهور من كلامهم أي نعم لو كانوا في زماننا لعجب Et donc, Cheikh al-Islam, il dit de façon générale, on sait par nécessité de la religion de l'Islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais légiféré aux hommes pieux de cette umma ou aux adorateurs ou aux gens qui se consacrent à l'adoration, qui délaissent la dunya, de se réunir pour écouter des chants, des poèmes chantés ou des choses de ce genre, ou yani des poèmes chantés avec le fait de frapper les mains en même temps ou bien de frapper un al-qadib, un genre d'instrument, ou avec un instrument ou un bâton ou des choses de ce genre, ou bien le dof, de frapper un genre de tambourin. Et il n'a pas permis de faire ça à quiconque. Il n'a pas permis à quiconque non plus de yani, sortir de son suivi, c'est-à-dire de suivre son exemple, ou de sortir du suivi de ce qui est mentionné dans le livre, dans la sunna. Ni de façon cachée, ni de façon apparente. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a la permission dans l'islam de sortir de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la sunna. Ni en secret, ni de façon apparente. Parce que les soufis, c'est ce qu'ils disent. Ils prétendent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné un islam apparent pour les musulmans ordinaires. Puis à certains de ses élites, il a enseigné des secrets que seulement eux connaissent. Et ils prétendent que ces secrets-là ont été hérités du prophète sallallahu alayhi wa sallam à certains compagnons, juste et qu'il y a une chaîne de transmission de ces secrets qui ont été hérités par certains de leurs chouyours, des turuq soufis aujourd'hui. D'accord ? Donc quand ils disent par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Tu dis, mais ça, c'est pas, c'est contraire au Coran et à la Sunna. Et eux, ils disent, par exemple, oui, mais ça, c'est parce que ça, c'est les secrets. Hein, ça fait partie des secrets. C'est juste notre cheikh qui a reçu ça. C'est juste notre cheikh qui connaît le secret. Et en voulant dire, vous savez pas ça, c'est pas grave. Parce que vous avez pas la charia. Vous avez la charia seulement. Vous avez pas la haqiqa. Vous avez pas la réalité. Hein? La réalité, c'est juste nous qu'on la connaît. Et l'exemple qu'ils essaient d'utiliser pour justifier ce genre d'exemple, c'est l'exemple de Khidr avec Moussa alayhi salam. Et donc ils disent comme l'exemple, comme en voulant dire, Khidr lui il avait la haqiqa, puis Moussa il avait la sharia, en voulant dire Moussa alayhi salam, il jugeait selon la sharia, tandis que Khidr non. De lui, il avait une autre charia ou une autre, il avait la haqiqa. Et c'est tout à fait faux parce que quand tu regardes Khidr, il dit, quand Moussa alayhi salam l'a rencontré, hein, il dit, j'ai reçu une connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que je fais? Donc c'est pour, il a une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a une charia qu'il suit et il fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Il ne fait pas partie de Bani Israël, donc il n'est pas soumis à la charia de Moussa alayhi salam. Et de plus, donc, ça c'est un exemple. Et donc certains, ils prétendent qu'ils ont rencontré Khidr parmi les soufis aujourd'hui, c'est ce qu'ils disent. Non, moi j'ai rencontré Khidr et Khidr il m'a dit, tu n'as plus besoin de prier, tu n'as plus besoin de jeûner ou des choses comme ça. Alors qu'ils ne savent même pas comment reconnaître Khidr, même s'ils le voyaient, comment ils pouvaient être certains que c'est lui vraiment, hein? Ou bien comment il pourrait yani, justifier ce genre de paroles, puisque la révélation elle est finie avec la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a plus de prophète après lui. Hein? Donc tout ça c'est des exemples, yani. Pour dire qu'il cherche toujours des moyens de se faufiler pour trouver des shubuhat, pour s'éloigner de la charia d'Allah. Donc il n'y a pas de permission spéciale pour quelqu'un, et la plupart des chaînes qu'il ramène pour essayer de dire nous on a un secret, c'est les ulama de hadith, ils ont étudié ces chaînes, ils ont dit ça c'est des chaînes qui sont coupées, tronquées, il y a plein d'espace vide dedans, il y a plein de brisures dans cette chaîne, donc elle n'est pas authentique leur chaîne. Ensuite le cheikh dit il n'a pas permis donc à personne, que ce soit une personne ordinaire parmi les musulmans ou quelqu'un parmi les savants ou quelqu'un qui est parmi les élites, il n'y a personne qui a eu de permission spéciale de sortir de la charia du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou de la charia de l'islam. Mais il dit, mais par contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis certaines distractions lors des mariages. Il a permis aux femmes de frapper le dauf entre elles lors des mariages et lors des célébrations. Mais par contre les hommes, on n'a jamais su à son époque que des hommes, eux, frappaient le dauf ou frappaient des mains. Qu'est-ce qui était rapporté même dans la sunna authentique? C'est que le fait de frapper les mains, c'est pour les femmes. Et que le tasbih, c'est pour les hommes. Même dans la prière, quand l'imam fait une erreur et que tu veux corriger l'erreur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la femme veut corriger l'imam, elle frappe des mains. Et l'homme, lui, il dit subhanallah. Le tasbih, c'est pour les hommes. Le tasfir, c'est pour les femmes. Donc le cheikh Ibn Taymiyyah, il dit frapper les mains, c'est pour les femmes. Donc de où est-ce qu'ils ont trouvé que des hommes peuvent frapper des mains? Et il y en a. Une fois, je me rappelle, même à Montréal, ici, il y a un frère qui s'était marié. Puis, ils m'ont invité à la Walima. Donc, on est parti pour la fête et tout. Puis, tout allait bien, mashallah, jusqu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui est un des gars qui était là-bas, qui a sorti son tambour. Comme un genre de truc, c'est en forme de... qu'est-ce qu'ils appellent? Darbouka, je pense. Hein? C'est en forme de... ouais, c'est ça. C'est comme un large en haut. Au milieu, c'est plus étroit. Puis en bas, ça s'élargit encore. En tout cas, avec une peau tannée sur le dessus. Puis un bâton pour frapper dessus. Un bâton courbé, en tout cas. Et là, il commence à sortir ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il me dit, mais on va faire de la musique et des trucs. Il dit, ça c'est pour l'Aïd, on fait la sunna, on a le droit de faire des distractions pour le mariage. J'ai dit ça de un. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis le dof pour les mariages. Le dof, c'est un cerceau avec une peau par-dessus. Hein? C'est un cerceau. Comme on dit un cerceau, c'est comme un truc circulaire, large, et par-dessus il y a une peau. C'est ça. Il n'y a pas de cymbales dessus, il n'y a rien. Juste la peau tannée comme ça, puis on peut frapper dessus. Le prophète a permis ça pour les femmes seulement, et les fillettes et les femmes. Et il a permis seulement pour les mariages. Eux, ils ont élargi ça pour inclure les hommes dedans, alors qu'il n'y a rien qui mentionne les hommes dans la sunna pour les mariages et des choses de ce genre. Il y en a même qui l'ont fait sortir à l'extérieur de ça. Ils ont dit, ah, mais la musique, c'est pas interdit dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis dans le mariage. Et donc, ils permettent même en dehors des mariages ou même en dehors des célébrations. Ça, c'est pas correct. Et c'est ça que Qardawi, il mentionne comme exemple, comme pour justifier la permission de la musique ou des choses comme ça. Et ça, c'est-à-dire comment il joue avec les textes de la religion, c'est ça qui est grave. Et après il dit donc que, étant donné que le fait de faire des chants, hein, oui c'est ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a maudit les femmes qui imitent les hommes, et il a maudit les hommes qui imitent les femmes. Donc le fait de faire ces genres de choses-là, certains des ulama, même Cheikh al-Islam, il dit, étant donné que le chant et le fait de frapper le douf et frapper les mains fait partie des actions des femmes, les salafs, ils appelaient tout n'importe quel homme qui faisait ce genre de choses, ils l'appelaient un travesti. Ils l'appelaient un efféminé, mukhannaf. Hein? En arabe, celui qui est efféminé et travesti, on l'appelle mukhannaf, c'est-à-dire un homme qui agit comme une femme. Hein? C'est kha nun tha, mukhannaf, mukhannathun. Mim kha nun tha alif, mukhannathan. Mukhannaf, c'est quelqu'un qui est efféminé, qui a des caractéristiques féminines. Hein? Donc toute personne qui frappe le douf, ou bien qui frappe des mains, ou bien qui chante, hein, ce genre de cette façon, ils l'appelaient, il y en a, efféminé. Et ils appelaient donc les chanteurs hommes, ils les appelaient des mukhannathin. Hein? Mukhanithan, mukhanith, mukhanith, il y en a, pluriel. Et donc ça, c'est très célèbre dans leurs propos, dans leurs paroles, c'est très célèbre cette question. إلى أن قال وبالجملة فهذه مسألة السماع. تكلم كثير من المتأخرين في السماع هل هو محظور أو مكروه أو مباح، وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج، بل مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقا إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح القلوب والتشويق إلى المحبوب والتخويف من المرهوب والتحزن على فوات المطلوب، فتستنزل به الرحمة وتستجلب به النعمة وتحرك به مواجيد أهل الإيمان وتستجلي به مشاهد أهل العرفان أو العرفان، حتى يقول بعضهم إنه أفضل لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه، حتى يجعلونه قوتا للقلوب وغذاء للأرواح وحاديا للنفوس، ويحذوها إلى السير إلى الله ويحثها على الإقبال عليه. ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن إلى القرآن ولا يفرح به ولا يجدي في سماع الآيات ولا يجد في سماع القرآن ولا يجد في سماع الأبيات ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع القرآن أو الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألسن لاغية، وإذا سمعوا سماء المكاء والتصدية خشيت الأصوات وسكنت الحركات وأسقط القلوب وتعاطت المطلوب. نسأل الله العافية. Donc, en résumé ici, qu'est-ce qu'il explique, c'est que as-sama', qu'est-ce qu'ils appellent as-sama', c'est-à-dire le fait de faire des chants et de chanter les poèmes et des choses comme ça, comme ils le font lorsqu'ils se réunissent. Et bien ça, c'est quelque chose qui est apparu chez les gens qui sont venus plus tard, hein, après les premiers siècles de l'islam. Et il y en a qui demandent qu'est-ce que c'est. As-sama, c'est un terme général, ça veut dire d'entendre. Hein. Et ça peut vouloir dire entendre quelque chose qui est permis ou quelque chose qui est interdit. Si c'est d'entendre les hadiths, d'entendre le Coran, ça c'est permis, ça c'est bon. Mais si c'est d'entendre des chants, d'entendre de la musique ou des choses de ce genre, ça c'est haram. Mais il y en a qui ont essayé d'élargir qu'est-ce qui est permis, et même qui en ont fait une voie religieuse. C'est-à-dire que non seulement la musique dans l'islam, on sait que c'est interdit, et qu'il y a des preuves de ça dans le Coran et dans la Sunna, et que c'est clair. Et les ulama, il y a même un consensus chez les savants sur le fait que la musique est interdite. Mais eux, yani, ils en ont fait quelque chose qui est religieux. C'est-à-dire que c'est quelque chose pour eux qui est une adoration par laquelle ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que certains même, ils ont des réactions vis-à-vis de ces genres de poésie ou de chants qui est plus important pour eux, plus grand que même lorsqu'ils entendent le Coran. Hein, ils réagissent plus à l'entente ou à l'écoute de ce genre de chant que à l'écoute de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et donc c'est ça qu'il explique. Et après il dit: ومن كانت له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها ومواجيدها عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلوب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه فهو للروح كالخمر للجسد ويفعل في النفوس فعل حمياء الكؤوس ولهذا يورث أصحابه سكرا أعظم من سكر الخمر فيجدون فيه لذة بلا تمييز بل يجد الشارب بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمر ويصدهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما يصدهم الخمر ويوقع بينهم العداوة والبغضة أعظم من الخمر حتى يقتل بعضهم بعضا من غير مس يد بل بما يقترن بهم من الشياطين فإنهم يحصل لهم أحوال شيطانية بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال. الشيخ الإسلام il mentionne ici que la réalité c'est que si tu connais réellement la religion et les états des cœurs et tout ce qui a rapport avec ces questions-là, tu vas savoir que l'écoute de la musique, le fait de frapper les mains et de faire des chants et des choses de ce genre, ça ramène aucun bien pour le cœur et aucun bienfait, excepté que dedans il y a un méfait qui est plus grand et un aspect, un côté négatif et une corruption plus grande. Et il dit que c'est la musique ou le chant et ce genre de voix, elle est plus nuisible pour l'âme que l'alcool pour le corps. Et qu'elle a un effet sur l'âme, hein, qui est semblable à celle, yani, des gens qui boivent de l'alcool. Même parfois, elle produit une ivresse de l'âme plus grande que l'ivresse qui est produite par l'alcool sur le corps de la personne, hein, et qu'elle ramène une saveur ou un plaisir incomparable pour eux. Même que la personne qui boit de l'alcool, ceux qui boivent de l'alcool, ils ont ce genre d'ivresse. Hein? Ils ont ce genre d'ivresse, mais ceux qui écoutent la musique, ils ont quelque chose même parfois pire que ça, et ça les obstrue même du chemin du rappel d'Allah et de la salat, plus que l'alcool encore. Et ça ramène entre eux l'animosité et la haine, et la dispute et la colère parfois, plus que l'alcool. Il dit que certains d'entre eux, parfois, ils vont même jusqu'à se tuer entre eux, sans même se toucher, à cause des diables qui se rapprochent d'eux quand ils sont dans cet état-là. Hein? Et les diables se manifestent chez eux dans ces situations-là. Allah musta'an. Et donc, il y a beaucoup de propos comme ça dans les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah quand ils réfutent leurs actions. Et ça, tu peux le voir. Vous voulez voir des exemples de ça, vous allez voir maintenant. Ils ont plus de honte, les soufis. Avant, ils se cachaient dans leur zawiya pour faire leur bid'a. Maintenant, ils se filment quand ils le font, puis ils le mettent sur YouTube. Donc, tu peux voir qu'est-ce qu'ils font comme ça de danse et de chant. Yani, directement live, yani, sans aucune gêne. Ils le font, puis ils le montrent à tout le monde. Donc, c'est pour montrer en réalité à quel point ils sont loin de l'enseignement de l'islam et de la sunna. Et ils pensent que c'est en faisant ce genre de choses qu'ils se purifient. Hein? الله المستعان. وقال ابن الجوزي ما يعني ما ملخصه. Donc là, il mentionne des exemples comme ça. Donc, je pense que qu'est-ce qu'on a lu de Cheikh al-Islam, c'est suffisant à ce sujet-là. Il dit, par contre, il dit ici, وقال يعني والتصفيق منكر يطرب ويخرج عن حد الاعتدال ويتنزه عن مثله العقلاء ويتشبه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت من التصفية وهي التي ذمها الله أو ذمهم الله عز وجل بها فقال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية فالمكاء الصفير والتصفية التصفيق التصدية التصفيق التصدية نعم. Donc c'est pour dire que quand les soufis font ce genre de choses, hein, ils se réunissent pour faire leur danse et leur chant. Il y a justement, même dans certains pays musulmans, ils font même des festivals de chants religieux. Dernièrement, j'ai vu ça sur Internet, ils parlaient d'un festival de chants religieux. Et dans ce festival, ils se réunissent les soufis avec les chrétiens. Hein, les chrétiens, ils ont les gospels, les chants gospels qui est apparu aux États-Unis dans les églises américaines. Et il y a aussi les chants des moines, des prêtres catholiques, qui sont les chants grégoriens. Ils chantent comme ça dans leur monastère. Et il y a aussi des chanteurs qui viennent des bouddhistes, des moines bouddhistes qui chantent, des hindous qui viennent faire des chants aussi là-bas. Il y a aussi des juifs qui viennent faire leurs chants. Hein, ici, tu les vois, ici à Montréal, les hassidiques sont toujours en train de chanter. Une fois, je me rappelle, je suis rentré dans un endroit où il y avait comme un genre de boucherie. C'est pas de la boucherie, c'est comme une boucherie, mais en tout cas. Je suis allé là-bas, puis ils étaient tous en train de chanter. Hein. Puis ils ont leur danse aussi, là, les trucs de danse. Vous pouvez voir ça sur YouTube aussi. Hein. S'il y en a qui sont plus vieux, ils connaissent peut-être Rabbi Jacob ou des trucs comme ça. Donc, oui, ils ont leur danse et leur chant. Naam. Et donc, ça, c'est des exemples comme ça. Puis chez les soufis, ils font des festivals de chants religieux. Tous les mouchlikines qui se réunissent avec des gens comme ça qui avec les soufis, et puis eux, les soufis, ils voient aucun mal à ça. Dernièrement, je sais pas, j'ai vu ça dernièrement sur Internet, ils se sont réunis pour faire l'adhan à Montréal devant l'église catholique Saint-John, je pense l'église sur Sherbrooke, non, René Lévesque. Hein? Ils ont amené des tentes, le MAC, Muslim Association of Canada, devant l'église. Puis là, quand c'était le temps de l'iftar, ils ont commencé à faire le adhan à haute voix dehors, et la cloche en même temps, la cloche de l'église en même temps. Allah Mustan, ils font n'importe quoi aussi. Je me rappelle, ils ont fait un festival. Dans ce festival de chants religieux, par exemple, ils se réunissaient par exemple dans une église. Puis, ils amènent un des soufis comme ça qui chante, et il est accompagné par l'orgue de l'église, puis les chanteurs de l'église. Donc, c'est pour dire, Yanni, eux, ils appellent en même temps aussi l'unification des religions et au rapprochement des religions. Et ça, c'est du kufr. Il n'y a pas de doute que c'est de la mécréance, puisque tu ne peux pas réunir entre le shirk et le tawhid, et entre le kufr et l'iman. Donc c'est des gens qui sont fondamentalement ignorants des principes de l'islam et des fondements de la croyance en l'unicité d'Allah et qu'est-ce que ça implique, et également en la religion des prophètes. C'est-à-dire que tu vas jamais voir aucun d'entre les prophètes que Allah a envoyé aux hommes un messager ou un prophète d'Allah qui va aller participer avec les mouchriquins dans leurs adorations et dans leurs shirk. Jamais tu vois ça, sauf chez des gens égarés comme les soufis comme ça. Il dit وإذا تمكن الضرب وقال أوكي ça c'est ah oui il y a aussi un livre qui s'appelle Talbis Iblis écrit par Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi dans son livre Talbis Iblis il mentionne Talbis Iblis ça veut dire les ruses du shaitan ou les comment le shaitan a trompé des gens. Et parmi les gens que l'Iblis ou le shaitan a trompé, il y a les soufis. Et il y a une grosse partie, je dirais peut-être un tiers de son livre qui est consacré aux ruses du shaitan contre les soufis. Okay? Il les réfute profondément. Yani. Donc le livre même, il a été traduit en français, je l'ai vu en France. Donc je ne sais pas si la traduction est fiable, mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a une traduction disponible en français. C'est pour dire, le livre est rempli de réfutations des soufis dedans. Deuxièmement, comment ils appellent aussi à se purifier, c'est yad'ouna ou yad'ouna tazkiyata anfusihim bil ism al mufrad muzhiran ou mudmiran, yani muzhiran ou mudmiran. Qala Sheikh al Islam Ibn Taymiyyah الشرع لا يستحب من الذكر إلا ما كان كلاما تاما مفيدا مثل لا إله إلا الله ومثل الله أكبر ومثل سبحان الله ومثل لا حول ولا قوة إلا بالله أما الاسم المفرد مظهرا يعني مثل الله الله أو مضمرا وهو هو فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا في سنة ولا هو مأثور عن أحد من السلف من سلف الأمة ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين. Donc il dit parmi les soufis, ils prétendent que pour se purifier, ils se purifient en mentionnant le nom d'Allah. OK? Et ils le mentionnent soit comme un nom indépendant ou bien comme un pronom aussi. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il mentionne ça. Il dit que la législation de l'Islam ne recommande à personne de faire un rappel ou un dhikr d'Allah, excepté si c'est une parole complète qui a un sens. Hein, qui a un sens. Et donc, tu vas dire, par exemple, « La ilaha illallah ». Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Ça, c'est un dhikr. Ou bien Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Ou bien Subhanallah, que Allah soit purifié au cœur. Hein? Gloire à Allah. Ou bien La hawla wa la quwata illa billah. Il n'y a pas de force ni de mouvement. Il n'y a pas de mouvement ni de force excepté par Allah. Donc, ça, c'est des sens. Une parole qui a un sens. Une parole complète. Ça a un sens et ça a une signification. Et c'est un rappel d'Allah. Et c'est ça qu'on retrouve dans la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de faire. Tandis que chez les soufis, eux, ils font le dhikr d'Allah, ils font le rappel d'Allah par le fait de mentionner le nom seul. C'est-à-dire, ils vont juste dire Allah, tout seul. Ou bien ils vont dire le pronom, lui, lui, lui, ou il. Comme ça. Ouais. En arabe, c'est huwa. Et donc, ils s'assoient, puis ils vont dire comme ça, ho, ho, ho, ho. Ils vont mentionner pendant, je ne sais pas combien de temps, yani, des fois, 1000 fois, ou plus, ou moins. Et ils pensent que ça, c'est un dhikr. Des fois, ils vont répéter un nom parmi les noms d'Allah. Hein? Hey, ya hey, ya hey. Hein? Comme ça. Hey, hey, hey, hey. Alhamdulillah. Donc ils vont répéter ça pendant des heures et des heures. Et ils pensent que ça c'est du dhikr. Et toutefois, ça n'a jamais été légiféré, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, de faire un dhikr de cette façon. Il n'y a rien de rapporté, il n'y a rien qui a été rapporté d'aucun d'entre les salafs à ce sujet. Et il n'y a aucun individu qui est reconnu comme étant une référence dans la Ummah, que les gens suivent, qui a suivi cette méthodologie-là, dans le rappel d'Allah. Excepté des gens parmi les égarés, qui sont venus longtemps après, dans l'histoire de l'islam, qui faisaient partie justement des égarés comme ça. وَرُبَّمَا غَلَى بَعْضُهُمْ حَتَّى يَجْعَلُ الْإِسْمِ الْمُفْرَدِ لِلْخَاصَّةِ وَذَكَرُ الْكَلِمَةَ التَّامَّةِ لِلْعَامَّةِ. وذكر كلمة التامة للعامة. وربما قال بعضهم لا إله إلا الله للمؤمنين والله للعارفين وهو للمحققين. وربما اقتصر أحدهم في خلوته أو في جماعته على الله الله الله أو على هو هو هو أو يا هو أو لا هو إلا هو لا هو إلا هو أعوذ بالله. وربما ذكر بعض المصنفين في الطريق يعني في الطريق التعظيم ذلك. Donc il y en a parmi eux qui vont même jusqu'à l'extrême de dire que يعني le fait de mentionner le nom tout seul, ça c'est pour les élites. Les élites, les gens qui ont atteint des niveaux élevés de foi et de connaissance d'Allah et de piété. Tandis que le commun des musulmans, musulmans ordinaires, eux, ils peuvent dire « La ilaha illallah ». Alors que « La ilaha illallah », c'est la parole des prophètes, c'est le meilleur dhikr. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de meilleur dhikr que « La ilaha illallah ». Et il disait « La ilaha illallah » comme un dhikr, et c'est la parole du tawhid. C'est ce qui fait rentrer en islam, c'est ce qui guide, c'est la sens, c'est le cœur de la religion. Eux ils disent non, ça c'est pour les musulmans, les croyants ordinaires. Puis Allah, de dire Allah, ça c'est pour les connaissants, ceux qui ont une connaissance plus intime, hein, qui connaissent la gnose, la connaissance inspirée, hein, ou la connaissance divine. Et ils disent ho, ho. Ça c'est pour les vérificateurs, les gens qui ont atteint la haqiqa. Et il y en a qui disent qu'il faut dire ça juste quand on est en privé ou avec notre groupe. Il ne faut pas faire ça devant les gens. Donc tu ne les entendras pas. Tu vas pas voir dans une mosquée un musulman qui va venir comme ça, un soufi qui va venir devant tous les musulmans commencer à faire ça. Non, ça ils le font juste entre eux en privé en général. Sinon, si vous, maintenant ils se filment, quand ils le font, puis vous pouvez les voir même sur YouTube en train de faire ça. Allah musta'an. Il dit وَأَمَّا مَا يَتَوَهَّمُهُ طَائِفَةٌ مِنْ غَالِطِي الْمُتَعَبِّدِينَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ. Il y en a parmi eux qui ont essayé de justifier le fait de dire يعني Allah tout seul, en citant un verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ. Donc dit quelle chose est un plus grand témoin, hein, et le plus grand témoignage. Il dit, et Allah dit, dis-leur Allah, hein, ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي يعني فِي غَيِّهِمْ. C'est-à-dire, ensuite laisse-les. Mais c'est-à-dire qu'il faut voir la parole dans son contexte. C'est pas Allah, il dit pas de dire Allah comme ça. Mais c'est qui est-ce qui est plus grand en témoignage, ou qui a le plus grand témoignage. Il dit c'est Allah. C'est une phrase. Hein? C'est comme si je te dis par exemple, c'est quoi le meilleur endroit sur terre, c'est quoi? C'est le meilleur endroit sur terre, c'est Mecca. Donc tu vas dire Mecca. Mais la phrase, c'est quoi? C'est le meilleur endroit sur terre, c'est Mecca. Hein? C'est pas Mecca tout seul, la réponse. Mais bon, c'est comment il joue avec les mots. Juste essayer de justifier des choses par qu'est-ce qui n'est pas une preuve. Et il se base aussi sur le fait de dire que bon, on a essayé de, on a fait ça, on a fait le test, on a fait l'expérience, puis on a ressenti quelque chose de bon, de plaisant en faisant ça. Donc ça c'est la preuve que c'est bien. C'est-à-dire il se base sur qu'est-ce qu'ils appellent al-dhawq, hein, le goût ou l'expérience. Donc quand ils font quelque chose ou leur cheikh il expérimente quelque chose, ça a un effet sur lui, il trouve que c'est bon, donc il l'enseigne à ses fidèles, il dit vous pouvez faire ça, c'est quelque chose de bien. Alors, il y a plein d'exemples comme ça aussi. Donc tout ça, il y a beaucoup d'autres exemples de bid'a comme ça qu'ils font, et ça ils pensent qu'en faisant ça ils peuvent se purifier. Et il ne faut pas oublier que aussi en faisant ces dhikr, des fois ils vont rajouter à ça aussi des mouvements, des gestes. Ils ont même des façons de respirer spéciales. Ok. Puis le but à la fin, une fois qu'ils ont fini, c'est parce qu'ils vont se tourner la tête comme ça, gauche droite, ou on part en avant, part en arrière. En fait, ils se bougent tellement vite la tête, c'est comme si à un moment donné, ils tombent par terre, tombent en extase, ou bien ils perdent connaissance ou des choses comme ça. Puis yani, le but de comme si quand ils arrivent à cet état-là, c'est comme ils pensent que ça y est, ils ont fusionné avec l'être divin, ils sont devenus un avec Allah, ou bien qu'ils ont atteint une autre station de spiritualité ou des choses de ce genre. Tout ça, ça vient des pratiques des gens de l'égarement. Et la façon comment j'étais surpris de voir ça, parce que surtout quand j'étais plus jeune, avant l'islam, j'avais un cousin qui était il est mort maintenant, mais il était fervent de musique heavy metal. Je ne sais pas si vous connaissez heavy metal. C'est un genre de musique. À l'époque, ils laissaient leurs cheveux longs, puis ils avaient toutes des têtes de mort sur leurs vêtements, avec des vêtements déchirés, des vestes de cuir ou de jeans, en tout cas. Ils écoutaient cette musique, et il y a beaucoup de comme guitare électrique, puis des trucs comme ça. Puis une chose que j'ai remarqué avec eux, c'est tout le temps ils sont toujours en train de bouger leur tête comme ça, par en avant, par en arrière. Puis oui, donc c'est ça. Bon, peut-être qu'il y en a encore, mais à l'époque là, dans les années 90, au début, il y en avait beaucoup à Montréal. Puis en tout cas, dans leur musique qu'ils écoutaient, les vidéos de leurs chanteurs, puis des trucs comme ça, ils étaient comme ça, puis toujours en train de taper leur tête ou bouger leur tête par en avant, par en arrière. J'ai constaté que c'est la même chose que les soufis font. C'est la même chose. Allez, subhanallah. Et donc, il y a aussi, le pire, c'est que même ils font ça avec des femmes aussi parfois. Les hommes et les femmes sont mélangés ensemble. Et même des fois, les femmes, elles ne vont pas être voilées. Hein? Elles ne vont pas se voiler quand elles font ça. Donc tout ça, c'est des exemples d'égarement, puis de voix de shaitan. Yani, comment il les amène à tomber dans ce genre d'égarement. Sans parler de certains groupes comme les Turk Soufia, comme les Issaouia, les Gnawa et d'autres qui sont encore plus pires, parce qu'ils vont même adorer les djinns, des choses comme ça. Après, il y a le point numéro 3. As-Soufia yadda'un at-taskiyata anfusihim bitahrim ma ahala Allah min al-mata'im wal-masharib wa libs as-souf. وتكلف ما لم يشرعه الله عز وجل من العبادات. Donc également parmi les voies des soufis, il y a le fait que ils cherchent à se purifier en s'interdisant ce que Allah a permis comme nourriture ou comme breuvage ou comme vêtements ou autre. Et ils vont s'imposer à eux-mêmes ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré comme adoration. Et c'est là que on voit, par exemple, dans le livre qui a été écrit, c'est une thèse qui a été faite, et c'est sur le bouddhisme, son histoire, ses croyances et le lien qu'il a avec le soufisme. Et dans ce livre-là, yani al-Boudhiya tarikhuha wa aqaiduha wa alaqatu as-soufiyya biha, dedans, il parle justement des différentes façons par lesquelles les soufis essaient d'atteindre leur objectif de fana. Qu'est-ce qu'ils cherchent à atteindre? Un état qui est semblable chez les bouddhistes au nirvana, de devenir un avec l'esprit universel ou bien avec Allah, comme ils prétendent. Et un des moyens par lesquels ils arrivent à ça, ou ils cherchent à arriver à cet état-là, c'est de se débarrasser de toutes leurs richesses et de tous leurs biens. Al-khuruj anil milk, ou at-tajarrud min al-mal wal-jah. Donc, de se débarrasser de tous leurs biens et de leur statut. Deuxièmement, at-tajarrud an shahwat al-batn. de se débarrasser des plaisirs de, du ventre, c'est-à-dire de manger, de tout, tout ce qui a rapport avec la nourriture. Et troisièmement, at-tajarrud an shahwat al-farj, se débarrasser des plaisirs, des plaisirs sensuels, sexuels par exemple, de ne pas avoir de relations sexuelles, de ne pas se marier avec des femmes, de rester célibataire, puis de s'abstenir de tout rapport sexuel avec une femme qu'on aurait épousée. Bon, pour eux, ça c'est vu comme étant quelque chose de mauvais. Hein, de se marier, d'avoir une femme et d'avoir des rapports intimes, pour eux ça c'est quelque chose qui est mauvais, ça fait partie des désirs des parties intimes, donc c'est pas permis, ou bien ils vont s'abstenir de ça. Aussi le fait de rester, de garder le silence, de plus parler pendant des périodes très longues de temps. Aussi qu'est-ce qu'ils appellent l'uzla wal khalwa, c'est-à-dire de s'écarter du monde et de quitter la fréquentation des gens, d'aller dans des endroits où il n'y a personne, comme pour rester en ermite. Tu vas rester dans un endroit dans la nature, juste à rester à méditer et à contempler et à faire du zikr, soi-disant. Donc ça, ils prétendent que c'est des moyens pour se purifier notre âme. Aussi, il y a d'autres choses aussi, par exemple, par rapport au dhikr. Chez les soufis, c'est différent que chez les gens de la sunna. Pour les gens de la sunna, le dhikr, c'est le fait de se rappeler d'Allah et de suivre les exemples du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les dhikr, les adhkar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés. Par contre, chez les soufis, les adhkar, c'est des adhkar que le sheikh, il a inventé. Il a inventé ses propres rappels, ses propres dhikr. Et ils ont par exemple un livre, chaque tariqa il a son livre de dhikr, puis il va enseigner à ses mourides ou à ses disciples, ceux qui ont donné allégeance, un certain nombre de adhkar qu'ils doivent réciter tous les jours, un nombre de fois, puis ils doivent respecter ça, c'est comme un devoir dans la tariqa, ils doivent respecter ça, puis une fois qu'ils l'ont fait, donc après, s'ils ont fait ça, bon, après ils peuvent aller à un niveau supérieur, tu sais, à des degrés, et ainsi de suite. En tout cas, tout ça, c'est des moyens par lesquels ils pensent qu'ils vont se purifier. Sauf que, bien entendu, c'est des choses qui ne sont pas légiférées. Il dit, Yaqul ibn al-Jawzi, fi kitabihi, talbis iblis, wa qad balagha iblis fi talbisihi على قدماء الصوفية فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته ومنعهم شرب الماء البارد وكان في القوم من يبقى الأيام لا يأكل إلا أن تضعف قوته ومنهم من يتناول كل يوم الشيء اليسير الذي لا يقيم البدن وقد كان منهم قوم لا يأكلون اللحم حتى قال بعضهم أكل درهم من اللحم يقسي أكل درهم من اللحم يقسي القلب 40 صباحا إلى أن قال رحمه الله وقد صنف لهم أبو عبد الله محمد ابن علي الترمذي كتابا سماه رياض النفوس وقال فيه ينبغي للمبتدي في هذا الأمر أن يصوم شهرين متتابعين توبة من الله ثم يفطر ويطعم اليسير ويطعم اليسير ويأكل كسرة كسرة ويقطع الإدام والفواكه واللذة ومجالسة الإخوان والنظر في الكتب وهذه كلها أفراح للنفس فيمنع النفس لذتها حتى تمتلي غما إلى أن قال وهذا الذي نبهنا عنه من التقلل الزائد الحد قد انعكس في صوفية زماننا فصارت همتهم في المآكل كما كانت همة متقدميهم في الجوع الله مستعان Et non, donc il dit que les soufis, Ibn al-Jawzi, il dit que certains soufis le shaitan les a trompés à un tel point que, en particulier les anciens parmi les soufis, il leur a ordonné de se limiter dans la nourriture et de rester dans la vie rude et dure. Il les a même empêchés de boire de l'eau froide. Hein, certains d'entre eux, ils restaient comme ça pendant des jours sans manger rien, jusqu'à ce qu'ils deviennent faibles. Et certains parmi eux, yani, ils mangeaient juste un peu, juste, yani, c'était même pas suffisant pour garder son corps en force. Et ils le mangeaient, certains, ils mangeaient pas de viande. Et même certains d'entre eux ont écrit ou ont dit que de manger de la viande, hein, un dirham de viande, ça rendait le cœur dur pendant 40 matins. Donc c'est de l'exagération. Après, il dit que certains après le cheikh Ibn al-Jawzi, il dit que Abu Abdullah Muhammad Ibn Ali al-Tirmidhi leur avait écrit un livre, et c'est pas al-Tirmidhi, l'imam al-Tirmidhi, Abu Isa, le muhaddith, qui a écrit la Musnad. C'est un autre Tirmidhi, parce que Tirmidhi, c'est une ville. Donc tous ceux qui viennent de cette ville s'appellent Tirmidhi, ils ont le laqab Tirmidhi. Donc lui, c'est un autre Tirmidhi qui a écrit un livre qui s'appelle Riyad al-Nufus, les jardins de l'âme. Et dans ce livre, il dit que le débutant dans cette voie, il doit jeûner 2 mois consécutifs par repentance pour Allah. Puis il doit manger juste yani un peu quand il brise son jeûne, hein, des petites affaires. Puis il doit couper complètement toutes les sauces, hein, les fruits et les plaisirs, et il doit plus s'asseoir avec les frères, et il doit cesser de regarder dans les livres. Yani, donc c'est ça, des choses comme ça. Après, il dit que Ibn al-Jawzi, il dit par la suite que les soufis, avec le temps, ils ont commencé à changer, et que aujourd'hui, comme les premiers soufis, eux, ils exagéraient dans la faim et dans le fait de ne pas manger, aujourd'hui c'est devenu le contraire chez les soufis de son époque. Il dit maintenant ils aiment, au contraire, ils se remplissent la panse, hein, et ils aiment manger énormément. C'est pour ça que tu vois beaucoup de soufis qui sont comme gros, et qui surtout parmi les chouyours soufis qui mangent beaucoup, qui ont des gros ventres, hein. Donc c'est pourquoi il y a la différence entre les soufis avant puis ceux d'aujourd'hui. Il dit wa amma libs as-suf faqad kanu yalbisuna as-suf wa yataqarrabuna bidhalika ila Allah. Donc c'est ça. Ils disent qu'ils portaient la laine à l'époque. Ils pensaient que ils prenaient ça comme un moyen de se rapprocher à Allah. Sauf que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait toutes sortes de vêtements, de différentes sortes de tissus, sans exception. وقال ابن الجوزي وقد كان السلف يلبسون الثياب المتوسطة لا المرتفعة ولا الدون. Les salafs, ils portaient des vêtements comme médium, parce que c'est pas trop prestigieux, pas trop non plus bas, entre les deux, modeste, normal. Mais sinon, avoir des beaux vêtements, c'est pas interdit non plus, hein. Il dit وَعْلَمْ أَنَّ اللِّبَاسَ الَّذِي يَزْرِي صَحِبَ بِصَحِبِهِ يَتَضَمَّنُ إِظْهَارَ الزُّهْدِ وَإِظْهَارَ الْفَقْرِ فَكَأَنَّهُ لِسَانُ شَكْوَى مِنَ اللَّهِ وَيُجِبُ احْتِقَارَ اللَّابِسِ وَكُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ مَنْهِيٌ وَقَالَ قَدْ كَانَ مِنَ الصُّوفِيَّةِ مَنْ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا خَرَقَ بَعْضَهُ رُبَّمَا أَفْسَدَ الثَّوْبَ الرَّفِيعَ الْقَدْرِ. Donc certains d'entre les soufis, quand ils portaient un vêtement, ils faisaient des trous dedans, hein? Ou bien ils les brisaient ou les détruisaient un peu pour, s'ils étaient luxueux, pour baisser leur estime ou les choses comme ça. En tout cas, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas permises en islam. Et c'est pas la voie. Il y a 3 hommes qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il n'était pas là, il était absent ce jour-là. Alors ils ont demandé à son épouse comment il adorait Allah. Alors, elle a donné des exemples, et puis eux, ils ont dit, ben, dans ce cas-là, nous, on ne fait pas assez, il faut faire plus. Alors, un d'entre eux a dit, moi, je vais plus, je vais jeûner tous les jours. L'autre, il a dit, moi, je vais dormir, je vais jamais dormir la nuit, je vais prier toute la nuit. Et l'autre, il a dit, je vais pas épouser de femme, je vais rester célibataire. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu ça, il était en colère. Et il a dit, toute personne qui délaisse ma sunna, il n'est pas de moi. Donc, ceux qui font ces exemples-là, c'est les exemples exactement pareils. Il dit, le cheikh, il dit aussi, as-soufiya يدعون التزكية أنفسهم بالرهبانية وترك النكاح. ابن الجوزي يعني يذكر من هذا. Donc il mentionne aussi qu'ils abandonnent parfois aussi le mariage. Bon, il y a une version avec la viande aussi. Une version aussi avec la viande dans une narration. قال أبو حامد الغزالي. Il dit dans son livre, ينبغي أن لا يشغل المريد نفسه بالتزويج فإنه يشغله عن السلوك ويأنس بالزوجة ومن أنس بغير الله شغل عن الله. C'est vraiment, il dit, celui qui le mourid, celui qui rentre dans le soufi, dans le tasawuf, et il ne doit pas se distraire par le mariage, parce que s'il se marie, alors il va être distrait de la conduite ou du suivi de la voie de la tariqa, puis il va être attiré vers sa femme, puis disons, il va être, quiconque est attiré vers autre que Allah, eh bien, il va être distrait d'Allah. Yani c'est n'importe quoi, comme on dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait 9 femmes. Est-ce qu'il a été distrait d'Allah, subhanahu wa ta'ala? C'est le plus grand adorateur. Donc, c'est n'importe quoi, yani, qu'est-ce qu'il raconte. Et les sahaba aussi, ils avaient tous des épouses et des enfants. Donc, est-ce qu'il y a une meilleure voix que la voix du messager, sallallahu alayhi wa sallam? Donc, ça, c'est de l'égarement aussi. Et il y a beaucoup d'autres citations qu'il a mentionnées, mais on ne veut pas prendre trop de temps non plus pour mentionner toutes ces histoires-là. Je pense que qu'est-ce qu'on a mentionné à ce sujet-là, c'est suffisant. Puis, en ce qui concerne l'objectif des soufis, il dit, كما تتبين وسائل التزكية وطرقها بين أهل السنة والصوفية فإن غاية التزكية تختلف كذلك اختلافا كليا بينهما. وسوف نبين ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله. غاية التزكية عند أهل السنة تحقيق كمال العبودية لله عز وجل واستكمال مراتب الحب والذل لله عز وجل واستسلام ظاهر العبد وباطنه لله عز وجل واستكمال مراتب الحب والذل لله عز وجل وأن يلقى العبد ربه بقلب سليم فيسعد بمجاورة الله جل وعلا في الفردوس الذي سقفه العرش عرش الرحمن. نعم وإذا نعم. Donc ça c'est le but de la tazkiya, de la purification pour les gens de la sunna, c'est de réaliser le perfectionnement de l'adoration d'Allah et de la servitude pour Allah, et de parfaire les degrés de l'amour pour Allah et de l'humilité, du fait de s'humilier pour Allah subhanahu wa ta'ala, devant Allah subhanahu wa ta'ala, et de se soumettre à Allah de façon apparente et intérieure, extérieure et intérieure, et de parfaire les degrés de l'amour et de l'humilité envers Allah, et que le serviteur rencontre son Seigneur avec un cœur saint, un cœur en paix, qui est heureux d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala dans les degrés les plus élevés du paradis, le Firdaus, dont le toit est le trône du tout miséricordieux. Donc ça, c'est un résumé de qu'est-ce que signifie la purification ou l'objectif de la purification dans le Coran et la Sunna selon les gens de la Sunna. Il dit: وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعُبُودِيَّةَ هِيَ غَايَةُ التَّزْكِيَةِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَصَفَ صَفْوَةَ الْخَلْقِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّسُلِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَمَدَحَهُمْ بِذَلِكَ وَذَمَّ وَتَوَعَّدَ مَنْ يَسْتَكْبِرُ عَنْ عُبُودِيَّتِهِ عَزَّ وَجَلَّ. La preuve que le fait d'être dans la servitude d'Allah et dans son adoration, c'est l'objectif de la purification de l'âme, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il décrit la crème de ses créatures et les meilleurs de ses créatures parmi les anges et les messagers comme étant des serviteurs et des esclaves, et il fait leur éloge à ce sujet-là en mentionnant qu'ils sont des serviteurs et des esclaves. Et il blâme et il menace toute personne qui se serait enflée d'orgueil devant l'asservissement pour Allah et le fait de se soumettre à lui et d'être esclave d'Allah. Donc il dit: وَقَالَ فِي وَصْفِ الْمَلَائِكَةِ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Il dit: وَقَالَ تَعَالَى وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ. وعن عيسى عليه السلام: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال عز وجل: لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ونعت نبيه ونعت نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في التحدي: إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فإذا كانت الرسل والملائكة الذين هم أشرف الخلق وأكمل الناس عبودية، فإن العبد بالتزكية نفسه غايته بذلك أن يحقق كمال العبودية ويستكمل مستلزماتها. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il décrit ses anges comme étant des esclaves et comme étant des adorateurs d'Allah qui ne s'enflent pas d'orgueil vis-à-vis de son adoration. Et du fait qu'il dit, par exemple, dans Surat Al-Anbiya, il dit: et ils ont pris, ils ont prétendu, c'est-à-dire les chrétiens, que Ar-Rahman, le tout miséricordieux, avait pris un fils. Non, ce sont plutôt des serviteurs anoblis, qui ne le précède pas par la parole et qui n'agissent que selon son ordre. Donc, ce sont des ibad, pluriel de abd. À propos de al-Masih, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que ce n'est qu'un esclave. In huwa illa abdun. Ce n'est qu'un esclave que nous avons favorisé, sur qui nous avons mis notre grâce et nous en avons fait un exemple pour Bani Israël. Et il mentionne dans un autre verset que le Messie, yani Isa, ne s'enfle pas d'orgueil, yani d'être un esclave d'Allah, de même que les anges rapprochés. Et quiconque s'enfle d'orgueil et devient orgueilleux, qui refuse de se soumettre et d'être un esclave d'Allah et d'adorer Allah, Allah va tous les ramener vers lui. Et il mentionne son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en parlant de lui dans les contextes les plus parfaits comme étant un esclave d'Allah. Comme par exemple quand il parle de son ascension, quand il a quand il a fait son voyage nocturne. Il dit, gloire à celui qui a, en effet, à son serviteur, faire ce voyage nocturne. Qui a fait faire ce voyage nocturne à son serviteur, à son esclave. Et dans la révélation, il dit, et il a révélé à son esclave ce qu'il lui a révélé. Et aussi dans le contexte de la da'wa, il dit, et lorsque son serviteur s'est levé, son esclave, l'esclave d'Allah s'est levé pour appeler, pour l'appeler. Donc c'est un exemple aussi par rapport à ça, et aussi dans le défi, même lorsque Allah défie les mouchriquins de produire quelque chose semblable à une sourate dans le Coran, il dit, et si vous êtes dans le doute de ce que nous avons révélé sur notre esclave, notre serviteur, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ramenez une sourate semblable. Donc c'est pour dire que le cheikh dit, si les messagers et les anges, qui sont les créatures les plus nobles et qui ont le degré d'asservissement et de soumission les plus parfaits pour Allah, sont décrits comme étant des serviteurs et des esclaves. Donc ça veut dire que notre objectif, lorsqu'on veut se purifier notre âme, ça doit être d'atteindre ou d'essayer de réaliser ou de se rapprocher le plus proche de l'état de ses serviteurs, qui eux justement, l'état des prophètes et des anges, qui eux justement sont les êtres les plus purs et qui ont complété tout ce qui est impliqué par le fait d'être un serviteur d'Allah et un esclave d'Allah. Donc c'est ça, ça doit être ça notre objectif et notre but dans la purification, d'adorer Allah dans le but de se purifier pour atteindre justement le degré le plus élevé possible qui nous rapproche de l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des hommes pieux et des serviteurs que Allah a mentionnés comme exemple dans sa révélation. Et il dit que c'est ça notre objectif, et c'est pour cette raison-là et ce but-là qu'on a été créé, puisqu'il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et donc c'est ça le but. Donc tu te purifies pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour arriver à atteindre le plus possible ce but-là. Le cheikh il dit فَلَا شَكَّ أَنَّ الْعَبْدِ لما أدى هذه الوظيفة التي خلق من أجلها كان أزكى نفسا وأسلم قلبا وبهذا وغيره يتضح أن غاية التزكية عند أهل السنة تحقيق كمال العبودية التي يستغني العبد بالله التي لا يستغني الله لا يستغني العبد بالله. نعم. Donc, ici, il faut comprendre que le but et l'objectif, c'est on se purifie pour avoir un cœur qui est plus pur, pour arriver à réaliser le perfectionnement dans notre adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le but même de notre création, pourquoi Allah nous a créés. Et il mentionne à propos des soufis, que pour eux, c'est un autre objectif. Il dit غايه التزكيه عند الصوفيه فينبغي فبينما يزداد اهل السنه بالتزكيه عبوديه وظلا وتواضعا وحبا لله عز وجل وافتقارا الى الكتاب والسنه لضبط اقوالهم وافعالهم وارضاء لربهم عز وجل فان الصوفيه يزدادون بدعوه التزكيه عندهم إلى ادعاء المكاشفة وحصول العلم اللدني الذي يستغنون به عن الكتاب والسنة والفناء في ذات الله عز وجل وتحقيق ما يسمون بالعبد الرباني كما في الحديث الموضوع عبدي أطعن أطيعني أي نعم عبدي أطيعني أجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. نسأل الله العافية. وهم مع ذلك يفضلون الأولياء على الرسل والأنبياء كما قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فيقول يعني بعضهم يعني خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله وينتهي الأمر عند غلاتهم بالقول بالغناء بالفناء يعني في ذات الله واعتقاد الحلول والاتحاد. Bon, ça résume les intentions et les objectifs des soufis dans leur purification ou soi-disant purification. C'est qu'il dit que pendant que les gens de la sunna se purifient par obéissance et par adoration pour Allah, en se soumettant et en s'humiliant à lui et par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ils augmentent, plus qu'ils se purifient, ils augmentent en besoin et en ayant besoin du Coran et de la sunna pour bien faire leur adoration et que leurs paroles et leurs actions soient en agrément avec leur Seigneur. Chez les soufis, c'est le contraire. Chez les soufis, plus qu'ils avancent dans leur prétendue purification et plus qu'ils vont vers l'idée de prétendre qu'ils atteignent un degré de al-mukashafa, c'est-à-dire al-mukashafa, c'est-à-dire l'illumination, et de prétendre que arrivés à un certain degré comme ça, eh bien, ils obtiennent des connaissances de Dieu directement. Ils n'ont plus besoin de prendre les connaissances du Coran et de la Sunna. Et ils arrivent à un degré par la suite où ils disent qu'ils se fusionnent, où ils se dissoutent dans l'être divin. Ils deviennent un avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils réalisent ce qu'ils appellent le serviteur Rabbani. Hein? Il devient un avec Allah, il se dissout dans l'être d'Allah, et ils essaient de réaliser ce qu'ils appellent al-abd, le serviteur qui est Rabbani, et c'est basé sur un hadith qui est fabriqué, c'est un faux hadith qu'ils ont inventé, qu'ils attribuent au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, dans lequel ils prétendent que Allah dit « Ô mon serviteur, obéis-moi et je ferai de toi un serviteur qui est Rabbani. Hein? » Quand tu dis à quelque chose « soit » et la chose sera. Hein? Tu dis à une chose « soit » et il sera. Et c'est ça que Ibrahim Niass, un des chouïrs soufis au Soudan, au Sénégal, il dit à ses fidèles « Moi j'ai reçu le Kun Fayakun. » Quand je dis à quelque chose soit et c'est, ça c'est grave, c'est du kufr, puisque c'est seulement Allah que lorsqu'il dit à une chose d'être et elle est. Et donc eux ils préfèrent même les awliya, les saints soi-disant saints religieux soufis, aux messagers et aux prophètes, parce qu'ils ont une autre définition de ce que signifie le saint ou le wali dans l'islam. Pour eux le wali c'est quelqu'un qui a atteint un degré de religion ou bien un certain degré dans la religion où il est capable de faire des miracles à volonté, où il a le contrôle sur qu'est-ce qui se produit dans l'univers. Il devient comme un être, comme un demi-dieu presque, un être avec des pouvoirs surnaturels. Il peut connaître l'invisible, connaître le rayb, et des choses comme ça. C'est pour ça que plusieurs d'entre les soufis et les chouyours soufis, pour se faire passer pour des awliyas, ils vont avoir recours à la sorcellerie pour faire croire aux gens qu'ils ont atteint le degré de wilaya, ou qu'ils sont devenus des awliyas. Donc, puisque les gens ils confondent souvent entre awliya ar-Rahman ou awliya ash-Shaytan, les rapprochés d'Allah et les rapprochés du Shaytan, ils ne font pas la distinction entre les deux. Donc ils pensent que c'est miracle, que c'est des miracles alors que c'est de la sorcellerie qu'ils font. Donc l'exemple de ça, c'est qu'ils pensent même que le wali il est meilleur que le prophète. Et ils le disent ça dans leur poème, jusqu'à ce qu'ils prétendent que quelqu'un atteint un degré dans lequel il peut se séparer d'Allah. C'est-à-dire pas se séparer d'Allah, mais plutôt devenir un avec Allah. Al-Mukashafa, donc ça c'est un de leurs moyens, un de leurs objectifs, d'atteindre Al-Mukashafa, c'est-à-dire d'atteindre des degrés où il atteint l'illumination et où il a des connaissances que Allah lui donne, yani sans passer par la révélation, sans passer par les prophètes. Il peut avoir sa révélation directement. Et il y a des exemples comme ça dans leur livre qui mentionnent ces exemples-là. Et bon, il cite ici des choses, mais je ne veux pas prendre trop de temps parce que déjà on est rendu dans le... On a dépassé le temps. Donc je vais finir vite, juste les mentionner comme ça. Si vous voulez, au prochain cours, je vous mentionnerai des citations là-dessus. L'autre objectif qu'ils ont, c'est Al-ilm al-ladunni. Ils prétendent que une fois qu'ils atteignent un certain degré comme ça dans la purification ou dans le soufisme, qu'ils ont une connaissance qui leur est donnée, que Allah leur donne. Certains vont même jusqu'à dire qu'ils vont même aller voir dans l'Lawh al-Mahfouz qu'est-ce qui est écrit, ou qu'il y a des anges qui viennent leur révéler des choses, ou qu'il y a toutes sortes d'autres idées comme ça. Il y en a d'autres qui ont l'idée que une fois que tu vas faire beaucoup d'adoration, tu ne vas plus avoir d'obligation religieuse. Il n'y a plus rien qui va être obligatoire et il n'y a plus rien qui va être interdit pour toi, parce que tu as atteint la certitude, ou soi-disant, qu'est-ce qu'ils prétendent comme étant la certitude, comme dans le verset « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » « Adore ton Seigneur jusqu'à ce que tu atteignes, jusqu'à ce que te vienne la certitude. » La certitude dans le verset en question, c'est la mort. Et eux, ils l'interprètent comme étant non, la haqiqa, yani, la vérité. Et que al-yaqin, c'est quelque chose d'autre. Quand tu as atteint un degré, là, tu n'es plus obligé de prier ou de jeûner ou des choses comme ça. Al-fana wa wahdatul wujud. Donc, ils prétendent aussi qu'un de leurs objectifs, c'est d'arriver à yani, faire un avec Dieu, devenir un avec Allah subhanahu wa ta'ala, et de fusionner avec lui, et de croire ou d'arriver à l'idée que tout ce qui existe est Allah seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence entre le Créateur et la créature. Tout est Allah. Et ça, c'est du kufr clair. Et par rapport à ça, donc c'est des choses, il faut comprendre que ça existait avant la venue même. Ces croyances existaient avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elles existaient chez les Grecs, chez les Romains. Elles existaient chez les Hindous, chez les Bouddhistes. Et elle existait aussi chez yani, les chrétiens. Il y a des notions, il y a des tendances comme ça chez les chrétiens aussi. Et ces idées-là ne viennent pas de l'enseignement des prophètes. Elles viennent de l'enseignement des religions des mouchriquines. Et donc, eux, ils ont essayé de mélanger ça avec l'islam, puis d'interpréter l'islam à la lumière de ces croyances-là. Donc, ça, c'est qu'est-ce qui est caché des croyances et des pratiques des soufis, des choses que les soufis ne vont pas dire aux gens en général à première approche. Ils vont attendre plus tard pour leur dire ces choses-là. Puis il y a beaucoup d'exemples qui sont cités. J'ai pas le temps de tous les mentionner, mais si vous allez par exemple dans d'autres cours que j'ai donnés sur le soufis, J'ai un livre de Cheikh Al-Fawzan que j'avais expliqué une fois, qui s'appelle Haqiqatul Tasawwuf de Cheikh Al-Fawzan. Puis j'avais fait des cours avec ça. C'est 15 cours sur les soufis. Il est sur le site Salafi de Montréal. Et il y a beaucoup d'exemples aussi que j'ai cités là-dedans. Puis sinon, bon, on aura peut-être d'autres occasions de faire des cours plus approfondis sur les égarements du soufisme. Mais pour l'instant, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Donc, c'était pour comprendre, en fait, que la purification de l'âme dans l'islam, elle existe et elle a des exemples clairs dans la sunna, dans le Coran, et qu'il faut se limiter à ça, et que c'est la meilleure voie, et la voie la plus parfaite et complète pour se purifier notre âme de qu'est-ce qui est mauvais, de qu'est-ce qui est péché ou autre. puis que la voix des soufis, elle prétend à la purification de l'âme, mais en réalité, elle ne fait que enfoncer l'âme encore plus dans, dans l'égarement. Il reste un dernier cours à faire sur ce sujet, et on va, le prochain cours, ce sera le dernier sur le sujet. Donc en tout, il y aura, inshallah, 5 cours. Puis, donc après ça, on verra si on commencera, inshallah, le tafsir du Coran, inshallah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.